Vous êtes combien? On est 4. C'est bon, vous pouvez rentrer. Oh, oh, oh. Faites de la place, celles qui veulent, on les casse. La maquerelle revient. Excusez les gars, ça fait 20 euros chacun. Quoi? 20 euros chacun pour ton canapé de merde. Des pétasses de merde qui dansent comme des merdes sur un podium de merde. Non, y'a aussi une petite conso gratuite. J'espère qu'à ce prix-là, j'ai tout le litre. Elle me dit non, y'a beaucoup de coca sur un tout petit peu de whisky. Va te faire engrosser. D'ailleurs, t'es déjà engrossé. T'as pas honte d'être enceinte et de continuer de bosser. Dans ton strip club de merde, putain de pute débauchée. Coucou les gars, moi mon nom c'est Sarah. Quand je discute, je vous caresse. J'aime bien toucher vos cuisses, je suis là pour mettre à l'aise. Racontez-moi vos vies. Ah bah, moi j'ai 22 ans. Mais ta gueule! Tu crois que je vais me livrer de sitôt à une danseuse de merde? Je veux plus t'entendre parler. Donne-moi ton prix et puis tire le rideau. Tire le rideau. 20 balles. J'espère que j'ai mal compris. C'est quoi ces conneries? Tu crois que j'économise pour ton cul d'anorexique? Attends à ce tarif, j'enlève le tout. Le tout pendant deux chansons puis... Ça c'était trop sérieux. Maintenant y'a du sang partout, faut des crampons pour pas glisser. Pour 80 balles, j'pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, j'pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, j'pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, j'pouvais même pas lui glisser. Faites de la place, celles qui veulent, on les casse. Fallait que le seul soulard du club me reconnaisse et veuille une putain de dédicace. J'adore sous ta ministre. Tu dis gros, je fais pas de selfie dans un club de striptease. C'est logique, enculé. La maquerelle est comme putain, Sarah, dis-moi qu'est-ce que t'as. T'as des trous partout, on dirait du gouda. Du gouda, là, et quoi? Appelez la police, appelez la police. Vite. C'est là que ces putes nous attrapent. Et on se retrouve tous les quatre à terre, bloqués sous 80 chattes. Elles nous gênent les pieds, les jambes. Les keufs arrivent. Dis donc mesdames, l'ambiance est étrange. Ah oui, je vous le fais pas dire. Embarquez la suite, il vient de trouer ma bitch. Enfin ma stripteaseuse, enfin ma fille. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, vous pouviez pas lui glisser? Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. 80 balles, vous pouviez pas lui glisser. Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser. Pour 80 balles, je pouvais même pas lui glisser.